seul devant ton ordinateur. Toi tu te prends pour Fox Mulder. Ta vérité 2.0, c'est la théorie du complot. Persuadé que la terre est plate et que le mouton a bien cinq pattes. Tu nies les camps et la Shoah. Antisémite tu l'es déjà. Connais. Le mensonge est ta tasse de thé. Un dieu donné, un forisson. Ta seule prière, la négation. Tu craches ton racisme et ta haine sur les migrants que l'on enchaîne. Ton ADN pue le fascisme. Tu dégueules ton patriotisme. Gueule noyée dans ton écran, persuadé que tu as du talent. Une croix gammée au-dessus de ton lit. Tu sens la merde, t'es plus nazi. Tu te réclames anti-système. C'est ton credo, ton requiem. Ta religion est dieudoniste. Ta conviction néo-fasciste. Les femmes sont inférieures. Tu te prends pour un grand seigneur. À l'occasion tu cognes dessus. Tu es le mal, tu n'en peux plus. Une bite à la place du cerveau. Pour toi c'est simple, tu es le plus beau. Tu es un con par excellence. Con et conspi par ignorance. Devant ton ordinateur, toi tu te prends pour Fox Mulder. Ta vérité 2.0, c'est la théorie du complot. Une bite à la place du cerveau. Pour toi c'est simple, tu es le plus beau. Tu es un con par excellence. Con et conspire par ignorance.